Mix. Ah, classe. Get up, stand up. Get up, stand up. Oh, fais ta chance, ce cadeau de ta naissance. Thank you. fondus dans les tempêtes, nous portons la peur. Des enfants de la planète devant le soleil qui meurt. Nous, les fils de la terre, habitons le même champ, le même cri. Nous, les fils de la terre. Ça, c'est ce soir, toi. À l'esclavage, nous avons trouvé le secret d'un nouvel âge au parfum de liberté. Arrachés à l'ignorance, nous pouvons choisir de briser tous les silences qui nous fermaient la depuis l'âge de la pierre jusqu'à l'homme d'aujourd'hui. Enfantés dans les tempêtes, nous portons la peur. Des enfants de la planète devant un soleil qui meurt. Nous les fils de la terre, habités du même chant et du même cri. Nous les fils de la terre. Nous avons trouvé le secret d'un nouvel âge au parfum de liberté. Arrachés à l'ignorance, nous pouvons choisir de briser tous les silences qui nous fermaient à l'avenir. Nous les fils de la terre, habités du même champ, du même cri. Nous les fils de la terre, sonnés dans l'impatience, nous avons brûlé les remparts d'indifférence qui nous tenaient prisonniers. Façonnés dans la tendresse, forçons la vie à nous tenir ses promesses dans un monde en agonie. Nous les fils de la terre, habités du même champ et du même cri. Qu'il allait jouer de la batterie, c'est pour ça. Bientôt. Les gratteux. J'aime bien cette petite basse. Ma vieille. Thank you. Thank you.